إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إنا نعيش أياما فاضلة وعشرا مباركة هي خير الأيام وأفضلها وأجلها وأعظمها شرف الله جل وعلا قدرها وعلى شأنها وعظم من مكانتها فأقسم بها عز شأنه في كتابه وقال والفجر وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هي العشر الأول من شهر ذي الحجة وقد اختلف العلماء في أي العشرين أفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخر من شهر رمضان المبارك والتحقيق في ذلك في قول جماعة من المحققين من أهل العلم أن العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق والعشر الليالي الأخر من شهر رمضان هي خير ليالي السنة على الإطلاق وفي الليالي الأخيرة من شهر رمضان ليلة القدر خير الليالي وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عرفة سيد الأيام وخيرها سيرفيتور الله كريم الله Et souvenez-vous que nous vivons actuellement les 10 jours méritoires qui sont bénis, qui sont les meilleurs jours de l'année et les plus grands et les plus importants de tous les jours de l'année. C'est les 10 jours du début du mois de Dhul-Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande importance à ces 10 jours et a élevé leur valeur et leur importance et leur statut. Et il a même juré par ces 10 jours, en disant par l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'aube, et il jure par les 10 nuits. وَلَيَالٍ عَشْرٍ Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma et d'autres également parmi les savants ont mentionné que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est ce qui est voulu ici dans ce verset, c'est de ça que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ces 10 jours que Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset lorsqu'il jure par ses 10 nuits. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء Donc les ulama de l'islam se sont penchés sur la question des 10 jours. Les 10 jours de la fin du ramadan et les 10 jours du début de Dhul-Hijjah. Et ils se sont demandé lequel de ces 10 jours est meilleur. Est-ce que ce sont les 10 derniers jours ou les 10 dernières nuits de ramadan ou les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, lequel de ces 2-10 jours est meilleur? Et les savants parmi les vérificateurs, parmi les savants de l'islam, ont clarifié en fait que les 10 meilleurs jours, ou les meilleures journées, sont les 10 jours de Dhul-Hijjah. Tandis que les meilleures nuits sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et dans les 10 dernières nuits du Ramadan, il y a la meilleure nuit de l'année qui est Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Tandis que dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a le meilleur jour de l'année qui est le jour de Arafah. عباد الله إننا نستقبل موسما مباركا عظيما وميدانا للطاعة جسيما ينبغي على المسلم أن يعظم أمره وأن يعلي شأنه وأن يحافظ عليه تمام المحافظة وأن لا يجعل أيامه مباركات وساعاته الثمينات تمضي سدى أو تضيع هباء ويندم بعد إذن ولا ينفع الندم. Serviteurs d'Allah, sachez que nous sommes donc dans cette période de l'année qui est bénie, dans lesquelles il y a l'occasion pour le musulman de faire de nombreuses actions d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est important pour le musulman de montrer un grand respect pour ces 10 jours et de préserver les bonnes œuvres qu'il fait durant ces 10 jours. Et ne pas gaspiller le temps qui passe durant ces jours et ne pas laisser passer les choses, à laisser passer le temps à faire des choses inutiles ou à gaspiller son temps et à ne pas profiter de faire des bonnes œuvres durant ces 10 jours-là. Sinon, à la fin des 10 jours, une fois qu'ils sont terminés et on sait comment ils passent rapidement, eh bien le musulman reste dans les remords. Et il regrette de ne pas avoir profité de ces jours-là alors que ces jours-là étaient présents. عباد الله جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الحث على العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة وبين عظيم ثواب ذلك عند الله وعظيم أجره عنده سبحانه وتعالى ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Et donc, serviteurs d'Allah, sachez que notre prophète, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans plusieurs hadiths l'incitation de faire des œuvres pieuses et des bonnes œuvres dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et il a expliqué la grande récompense qui en découle et qui vient de faire des bonnes œuvres durant ces jours-là. Et il a mentionné dans Sahih al-Bukhari et dans d'autres livres de hadith également, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait des bonnes œuvres pendant ces 10 jours, il n'y a pas de jours qui sont meilleurs pour faire des bonnes œuvres que et qui sont plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de jour meilleur que ces jours-là, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijjah, les premiers 10 jours de Dhul-Hijjah. Ils ont dit, ô messager d'Allah, même le jihad fi sabilillah, c'est-à-dire même le fait de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu et a dit, oui, il n'y a rien de meilleur que les bonnes œuvres durant ces 10 jours, et c'est même meilleur que le jihad fi sabilillah, excepté pour un homme qui est sorti avec sa personne et ses biens et qui n'est revenu avec rien, avec plus rien. Serviteur d'Allah, wa qawlu nabiyyina alayhi salatu wassalam ma min amalin 'amun mutlaqun yatanawalu jami' al-a'mal as-salihat wat-ta'at az-zakiyat wa anwa' al-qurubat la yukhassu min dhalika bi naw'in بل يعتني العبد في هذه العشر المباركات بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله فرائض الله جل وعلا، وأعظم ذلكم الصلاة المكتوبة. ففي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. Serviteur d'Allah, comme vous avez pu entendre dans le hadith que nous venons de mentionner préalablement, qu'il n'y a pas une action que tu peux faire durant ces 10 jours-là qui sont meilleures que dans le reste de l'année. C'est-à-dire que toute action que tu fais durant ces 10 jours a plus de valeur que lorsque tu les fais durant le reste de l'année. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas une action, c'est-à-dire que c'est général et que ça comprend toutes les bonnes œuvres que quelqu'un peut faire et les actes d'obéissance pure qu'il peut mettre en pratique et toutes les différentes formes de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien d'exclu de ces différentes formes d'adoration qu'on peut faire pour essayer de se rapprocher d'Allah et obtenir son agrément. Et donc le serviteur d'Allah, le musulman, doit faire des efforts pendant ces 10 jours pour faire toutes les différentes catégories et les différentes sortes de bonnes actions et de bonnes œuvres. Et en particulier, comme on le sait, que la plus grande et la plus importante des choses par lesquelles on se rapproche d'Allah sont les choses qui sont obligatoires dans la religion d'Allah. Et donc, le plus important de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire au serviteur, après le tawhid, après le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, c'est bien entendu le deuxième pilier, le pilier de la salat, qui est la prière obligatoire. Et comme c'est mentionné dans le hadith al-Qudsi, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux te rapprocher de lui, il n'y a rien qu'il préfère que les actes obligatoires et les choses obligatoires. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Et donc, c'est-à-dire que tu commences par qu'est-ce qui est obligatoire, et tu le fais. Et ça, c'est ce que Allah aime le plus. Puis, une fois que tu as fait tout ce que Allah t'a ordonné et t'a rendu obligatoire, et tu veux te rapprocher encore plus d'Allah, et tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime encore plus, eh bien, tu fais des choses qui sont surérogatoires et qui sont supplémentaires. Et c'est ainsi que tu te rapproches encore plus d'Allah jusqu'à ce que Allah t'aime. Et une fois que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé, eh bien, tu seras son ouïe par lequel tu entends, et sa vue par laquelle tu vois, et sa main par laquelle tu frappes, et sa jambe par laquelle tu marches. Et si tu me demandes, et s'il me demande, c'est-à-dire si mon serviteur me demande quelque chose, je vais lui donner, et s'il me demande la protection, je vais le protéger. C'est-à-dire que lorsque le serviteur a fait ce que Allah lui a ordonné de faire, et il a fait plus en faisant des actes surérogatoires et en s'écartant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, et bien par la suite Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il fait avec sa main et tout ce qu'il fait avec ses jambes, ce sera uniquement fait pour plaire à Allah et pour obtenir l'agrément d'Allah. Il ne va voir que ce que Allah aime, il ne va entendre que ce que Allah aime, il ne va frapper que ce que Allah aime, ou dans ce que Allah aime seulement, et il ne va marcher que vers ce que Allah aime. Il va utiliser tous ses sens et ses membres, les membres de son corps, que dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma tamtazu bihi hadhihi al-ayyam al-ashr al-mubarakat, أنها من بين سائر الأيام من بين سائر أيام العام تجتمع فيها أمهات العبادات مما لا يتأتى في غيرها من الأيام، فيجتمع في هذه العشر المباركات الصلوات والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمهات من العبادات في غير هذه العشر المباركات. سيرفيتور الله، sachez que également une des choses qui sont parmi les particularités de ces 10 jours bénis, c'est que dans ces 10 jours, les piliers et les plus importantes parmi les formes d'adoration se réunissent ensemble. Et toutes les grandes adorations parmi les piliers de l'islam sont réunies et il est possible de les accomplir ensemble durant ces 10 jours-là. Comme par exemple les salawat, la zakat, le jeûne, tu peux jeûner durant ces 10 jours et tu peux même faire le hajj à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la Kaaba. Et ça, c'est quelque chose que tu peux uniquement faire durant les 10 jours de Dhul-Hijjah. Tu ne peux pas faire le hajj à un autre moment de l'année. Et donc, ça, c'est pour dire que c'est les 10 jours qui réunissent toutes les différentes formes d'adoration. Ibad Allah. إن مما يجمل بالمسلم ويحسن به في هذه العشر المباركة أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا فالتبكير للمساجد والحرص على الإتيان إليها في وقت مبكر وبسكينة وطمأنينة ووقار مع تلاوة لكلام الله وذكر له جل وعلا وملازمة للاستغفار وأداء للصلوات المفروضة في أوقاتها وعناية بالصلاة الراتبة والصلاة المطلقة وأن يكون ذاكرا لله متعينا بحمده جل وعلا وتهليله وتكبيره فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث من ذلك في العشر الأول وقال عليه الصلاة والسلام فاذكروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد. Serviteur d'Allah, parmi les choses qui sont bonnes pour le musulman de faire durant ces 10 jours et durant tous les jours de l'année également, mais en particulier durant ces 10 jours, c'est que le serviteur montre à Allah subhanahu wa ta'ala de sa personne le meilleur et le bien. Il montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se déplace pour aller à la mosquée en avance et il sort tôt pour aller à la mosquée. Et il fait des efforts pour arriver à la mosquée à temps et aller tôt à la mosquée en toute tranquillité, en sérénité et de manière posée. Et il récite la parole d'Allah et le Coran, et il fait les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en demandant le pardon à Allah, et en disant des istighfars, cherchant le pardon d'Allah, et en établissant les prières obligatoires dans leur temps, et en particulier les prières qui sont recommandées de faire avant et après chaque prière. Et toutes les prières de façon générale. Et il fait des efforts pour essayer de toujours rester dans le rappel d'Allah pendant tous les moments de la journée et à toutes les périodes de la journée, en mentionnant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mentionnant son unicité, en mentionnant sa grandeur, c'est-à-dire en disant Alhamdulillah constamment, en disant La ilaha illallah constamment, en disant Allahu Akbar à tous les moments de l'année, de continuer à dire Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Et il a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encouragement de faire ce genre de rappel durant les 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites beaucoup de ce genre de rappel, de dire la ilaha illallah, allahu akbar, alhamdulillah, et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad. عباد الله ومن الأعمال الصالحات التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر في هذه العشر الصيام. وجاء في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له والصيام عباد الله جنة يتقي به العبد سخط الله وعذابه ويتقي به الذنوب والآثام. Serviteur d'Allah, parmi les bonnes œuvres que nous pouvons faire durant ces 10 jours, il y a le jeûne, qui est une des grandes formes d'adoration. Il a été rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad selon Abi Umama que le messager, il a dit, j'ai demandé au messager d'Allah, informe-moi au sujet d'une action que je peux faire qui me fera rentrer au paradis. Il dit, je te recommande de faire le jeûne, parce qu'il n'y a rien comme le jeûne. Il n'y a rien comme le jeûne. Et donc, le jeûne, serviteur d'Allah, c'est un bouclier par lequel le musulman se protège et se préserve de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Et par lequel il se préserve également des péchés et des désobéissances. عباد الله مما يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات الصدقات بأنواعها وبذل الإحسان وصلة الأرحام والبر بأنواعه وأبوابه الفسيحة ومجالاته الواسعة. Également, parmi les choses qui sont recommandées et conseillées aux croyants et aux musulmans de faire durant ces 10 jours, c'est de donner beaucoup d'argent en aumône et de donner beaucoup de son temps en aumône, toutes les différentes formes de bien et de bienfaits que quelqu'un peut faire, de garder les liens de la parenté, hein, de garder le contact avec son père et sa mère et de les contacter et d'être bon envers eux. Et le fait de garder les liens de parenté, pas seulement avec le père et la mère, mais également avec les proches. Tout ça, ça fait partie des actes de bien et d'obéissance à Allah, des choses que Allah aime et qui ont une grande récompense. Et donc, profitez de ces 10 jours pour faire ce genre de bonnes œuvres que Allah aime et pour avoir d'énormes récompenses de la part d'Allah. Ibad Allah. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنحر ضحيته في يوم النحر اليوم العاشر من هذه الأيام تقربا إلى الله وطلبا لثوابه فإن الحجاج حجاج بيت الله الحرام يتقربون إلى الله في يوم النحر بنحر الهدايا والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر وذبح الضحايا. Serviteur d'Allah, également parmi les bonnes œuvres qui est légiféré pour le musulman de faire pendant ces 10 jours et par lequel il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le sacrifice, le jour du sacrifice, le 10e jour de ces 10 jours bénis. Et il sacrifie un mouton ou un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il recherche en faisant cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne fait partie de ceux qui font le hajj et qui sont à Mecca, eh bien il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 10 jours, pendant ce jour du sacrifice, en sacrifiant son mouton. Et les musulmans qui sont ailleurs dans le monde et qui ne sont pas à la Mecque, ils se rapprochent d'Allah également, eux aussi, en faisant ce sacrifice, qui est le grand sacrifice de ce mouton. عباد الله وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ورواية ورواية فيها الأمر بالإمساك ورواية فيها النهي عن الأخذ عن من الشعر والأظافر. والأمر الأصل فيه للوجوب والنهي الأصل فيه للتحريم. ولهذا عباد الله فإن من أراد أن يضحي فعليه إذا دخلت العشرة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا، وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي. أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم فإنه لا يشملهم ذلك الحكم. وقد قال العلماء في الحكمة من ذلك عباد الله أن المضحي عندما شارك الحاج في بعض أعمال الحج أمره الله سبحانه وتعالى بمشاركتهم في شيء من محظورات الإحرام ليبقى المسلمون حجاجا وغير حجاج على صلة بالله، معظمين لشعائر الله، قائمين بطاعة الله جل وعلا، يرجون جميعهم رحمة الله ويخافون عذابه. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, comme c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, que lorsque vous voyez le hilal de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le croissant de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire que le mois de Dhul-Hijjah commence, et que l'un d'entre vous a décidé qu'il allait sacrifier un mouton, alors qu'il ne prenne rien de ses ongles et de ses cheveux. C'est-à-dire qu'il ne doit pas couper ses ongles, il ne doit pas couper ses cheveux. Et dans une autre narration, il dit, et si les 10 jours entrent, et que l'un d'entre vous veut sacrifier, alors qu'il ne touche pas à ses cheveux, hein, ni à sa peau. Et donc ça c'est 2 narrations. Une narration qui interdit de prendre quoi que ce soit, et une narration qui ordonne de s'abstenir de toucher, ou qui interdit de couper les ongles et les cheveux. Et la base dans l'ordre et dans l'interdiction, c'est l'ordre, c'est ça prouve que c'est obligatoire, et l'interdiction, ça prouve que c'est interdit. Donc, c'est interdit pour le musulman qui a l'intention de sacrifier un mouton pendant le jour du sacrifice. C'est interdit pour lui pendant ces 10 jours de couper ses ongles et de couper ses cheveux. Et ça, c'est un verdict qui est spécifique pour la personne de la famille qui va sacrifier, comme le père de la famille qui va aller égorger le mouton. Tandis que les autres membres de la famille qui ne vont pas égorger, ça ne s'applique pas à eux. Et eux, ils peuvent, s'ils veulent, couper leurs ongles et leurs cheveux. C'est seulement celui qui va faire le sacrifice qui doit s'abstenir de couper ses ongles et ses cheveux. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré au musulman qui va sacrifier de ne pas couper ses ongles et ses cheveux, c'est pour qu'il participe, comme celui qui est en train de faire le hajj, il a certaines actions qui sont interdites pour lui durant le hajj. Il ne peut pas couper ses ongles, il ne peut pas couper ses cheveux pendant le hajj, et il a certaines autres choses qu'il n'a pas le droit de faire. Donc celui qui va sacrifier un mouton, il participe avec lui dans certains des aspects de ce que le hajj n'a pas le droit de faire également, pour qu'ils puissent savoir et sentir qu'ils ont le respect pour les rituels du hajj et les rituels d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'ils espèrent tous ensemble la miséricorde d'Allah et qu'ils le craignent tous ensemble. Aynam. Barakallahu li wa lakum في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله ثم اعلموا رعاكم الله أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والحج عباد الله فريضة من الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة في حياته كلها وفي عمره جميعه مرة واحدة. ما زاد على ذلك فهو تطوع، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ويجب على يجب عباد الله على من لم يؤدي هذه الفريضة أن يبادر وأن يسارع لأدائها، فإنه لا يعلم ماذا يعرض له أو يعرض له. عباد الله، وفي الحج تقال العثرات، تقال العثرات وتكفر الخطيئات، وفي الحج عتق من النار، ولله عز وجل عتقاء من النار أعداد لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وذلك في يوم عرفة. فما أكثر من يعتق أو ما يعتق الله جل وعلا في ذلك اليوم المبارك من النار. عباد الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عباد الله، ومن وجدت لديه رغبة في الحج وحرص على أدائه ولكنه لم يقم به مراعاة للترتيبات والأنظمة وحفظا للمشاعر من أن يكون فيها زحام لا يطاق أو نحو ذلك، فإنه بإذن الله يؤجر على نيته الصالحة. ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا أجمعين في طاعته وما يقرب إليه، وأن يصلح شأننا كله، وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que le Hajj est une des obligations parmi les piliers de l'islam, un pilier parmi les piliers de la religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion est bâtie sur 5 piliers: le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, d'établir la salat et de donner la zakat et de jeûner le mois de Ramadan. Le Hajj, serviteur d'Allah, est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane, et qu'il doit faire une fois durant sa vie. Tout ce qui est surplus ou tout ce qu'il fait en plus, c'est quelque chose de yani tatawwu', c'est-à-dire c'est un acte qu'il fait d'adoration supplémentaire et volontaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Hajj est obligatoire une fois, et tout ce que tu fais, si tu le fais plusieurs fois, eh bien ça c'est tatawwu', c'est-à-dire c'est considéré comme un acte surérogatoire que tu fais. Et il est obligatoire à tout musulman qui n'a pas fait encore son Hajj de se dépêcher à le faire et de se précipiter à le faire. C'est pas quelque chose comme certaines personnes ont la notion que le Hajj c'est quelque chose que tu fais lorsque tu es vieux, lorsque tu as les cheveux gris. Non, si tu peux le faire le plus tôt possible dans ta vie, quand tu es jeune et quand tu es en forme et quand tu es fort, c'est mieux de le faire quand tu es jeune et quand tu as les moyens et quand tu es capable physiquement, parce que c'est quelque chose qui est très demandant, très difficile, et tu sais pas quand tu vas mourir. Donc c'est un des 5 piliers de l'islam et il faut l'accomplir. Lorsque tu as les moyens de le faire, fais-le. Ne retarde pas à une année d'après ou une année plus tard. Il y a certains musulmans qui, par exemple, chaque année vont en vacances dans leur pays d'origine et qu'ils se payent des billets d'avion pour eux-mêmes et pour leur famille, aller-retour, chaque année. Et pourtant, le Hajj, ils ne l'ont pas encore accompli, alors que c'est une obligation que Allah a établie sur eux. Alors pourquoi négliger? Pourquoi négliger? Donc sachez que dans le Hajj, il y a l'expiation des péchés, et que Allah subhanahu wa ta'ala libère de l'enfer durant le jour de Arafat, qui est le meilleur jour de l'année. Il libère des gens du feu de l'enfer, le jour de Arafat, qui sera, inshallah, vendredi prochain. Vendredi prochain, inshallah, le jour de Arafat. Donc, profitez de ce jour-là pour le jeûner et pour faire des invocations et demander à Allah de vous sauver de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que le Hajj mabrour, c'est-à-dire le Hajj qui est fait avec toutes ses conditions et qui respecte ses conditions, n'a aucune récompense excepté le paradis. Et que celui qui fait son Hajj sans faire de perversité, sans avoir de mauvais langage, de mauvais comportement, il retournera et il sera comme le jour où il est né, c'est-à-dire le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire il n'aura plus de péché.